VIP. Le club VIP, c'est parti avec son lot d'animatrices bien sympathiques les unes plus que les autres. Léna dans les studios, bon. La forme. Oui, et toi? Bonjour à tous. Ça va, hein. Ça va super bien. Nous avons de la bonne musique en perspective, des bonnes chroniques croustillantes à suivre et bientôt le journal de la rédaction. Oui, avec ces news insolites. Voilà, ces news insolites. On fera un point sur ça parce que le monde est parfois en ébullition. Il se passe des choses incroyables. C'est vrai? Oui. On a hâte de voir ça, du moins d'entendre. Ouais, ça va être plus se passer par les oreilles, effectivement. Et pour la musique, puisque Mallory est experte en annonce de titres, voici venir le temps de l'annonce de Mallory. Oui, Mario, how do I breathe, c'est ça? Ouais, ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Comment je respire, tout simplement. How do I breathe? C'est tellement beau. Lover. Everywhere I try to go, I keep thinking of you. I just had a wake up call, wishing that I never let you fall. Baby, you were not to blame at all, when I'm the one that pushed you away. Baby, if you knew I cared, you would never went nowhere. Girl, I should have been right there. How do I breathe without you here by my side? How will I see? Mario Winamp. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Voilà, avec le club VIP, vous l'avez compris, on plonge dans l'été, tout simplement. Ça se passe sur l'antenne et ça se passe sur le 107.4, également sur internet www.station-millenium.com ou estival.fm.free.fr, tout simplement. Voilà. La suite, c'est avec Léna dans les studios. C'est avec Mallory. Oui. Et. C'est avec Jack aussi, ouais. Effectivement. Pour vous accompagner, pour tout simplement vous... vous expliquer un peu ce qu'il va y avoir, notamment dans la suite du programme. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Le journal de la rédaction. Ouais, tout à fait. Avec ses news insolites, avec son lot de bonne humeur, avec également ses actualités sportives que Léna va se faire un plaisir de vous restituer. Et voici venu le temps des trois news insolites. Alors je lance le générique du journal parce que, comme toute bonne rédaction, nous avons un générique. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, au sommaire de ces deux news, Guyane, le détenu introuvable était caché dans la prison. Un taureau rejoint son maître en prison. Pas que de prison aujourd'hui. C'est une spéciale prison. Cayenne, un détenu du centre pénitentiaire de Guyane de Rémy-Montjoly, pour tout citer, à 15 km de Cayenne, était introuvable depuis 3 jours. Il a fait sa réapparition mercredi matin, a annoncé le directeur de la prison. Alors, plus de détails, il était recherché activement par 15 agents quand même, des gendarmes qui assuraient une surveillance extérieure. Et l'homme a été aperçu mercredi matin sur le toit de la prison. Je pense qu'il était à bout physiquement, a estimé Monsieur Perrault, qui est donc un des porte-parole de cette prison. Donc ils l'ont retrouvé se cacher à l'intérieur, tout simplement. Autre news, Belgrade, un taureau a été incarcéré avec son propriétaire en Serbie pour que le condamné puisse s'occuper de l'animal d'une tonne et demie voué autrement à l'abattoir, rapporte l'agence Beta. Donc ils ont fait venir, c'est un peu comme s'ils avaient fait venir son chien, sauf que lui ils ont fait venir son taureau. Mais t'imagines dans une cellule de 15, du moins de 10 mètres carrés, ça doit pas être évident quand même. Ah non, carrément. La suite, c'est également un point sur le programme Cap par mort avec les activités sportives et c'est Léna qui s'y colle. Alors, aujourd'hui, vous avez la découverte magie de 14h à 16h, le tournoi de tennis ballon de 15h à 17h30 à Trestrignel et de l'escrime de 16h30 à 18h. Pour la soirée, c'est du kayak de 17h à 19h30, du bowling de 19h30 à 21h et le podium Jeanne Talent ce soir au jeudi de Trestraou de 21h à 21h45. Donc pour vendredi, vous avez des percussions africaines à Trestraou, donc de 14h à 16h. Vous avez Droum Estival, c'est un défi activité sportive. C'est comment ? Droum Estival. Droum, D-R-O-U-M ? Ouais. Comme le nom de notre animateur sportif préféré. Voilà. Waouh. Alors de 14h30 à 17h, et c'est à Central Park. Pour la soirée, ce sera de la balade en voilier. Donc de 17h à 19h30, et vous avez une initiation au tennis de table de 17h à 19h. Pour Destination Bien-être, donc aujourd'hui c'est la radio, donc il vous parle des rencontres de l'été à Trestraou. Et pour demain, venez adopter la zen attitude à Trestraou, puisque ils vont vous parler de sport d'eau qui permettent aussi de se détendre. C'est bien ça. Ouais, c'est sympa. Le club VIP. La musique, c'est ce son électronique que vous avez dans les oreilles. Léna, toi-même, tu connais ça. Bah oui, c'est The Drill. Avec Drill. Ouais, exactement. Ils sont pas embêtés, hein. C'est pas les pastilles, c'est les pastilles pour les oreilles. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. We'll be right back. tous les samedis, Estival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Wellness. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et oui, vous êtes au cœur de l'été, c'est parti. Là, on peut pas faire plus, hein. Vous êtes vraiment au milieu, hein. Attention, si vous allez d'un côté, vous retombez dans juillet, de l'autre côté, c'est plein mois d'août, hein. Donc, on peut dire là qu'on est au cœur de la cible, comme on dit dans le jargon. Et ça fait bien plaisir de vous retrouver quand même sur l'antenne. Bah oui, vous, auditeurs, on vous aime beaucoup. On vous a gâté d'ailleurs avec un max de bonne musique. Il y a Léna dans les studios. Oui, comment tu vas? Oh, ça va, la forme, la pêche. Il y a Malo dans les studios. Ouais. Wouh. Alors Malo, c'est un peu l'animatrice bras droit de Léna, hein, c'est bien ça? Oui, bras gauche là, mais c'est bien bras droit, ouais. Donc ça consiste tout simplement à faire des annonces de titres, éventuellement suivre l'actualité, nous dire un peu comment ça se passe sur internet, parce qu'on sait que t'es là accroché sur internet pour voir. Tu fais un peu de pub sur la radio là? Oui, oui. C'est quoi le site? www.stationmillennium.com. Ouh là là, donc c'est www.station-millennium.com. Voilà, c'est notre partenaire qui tout simplement multi-rediffuse cette émission. Et vous pouvez également, d'ici peu, vous pourrez suivre tous les programmes d'Estival en complément des programmes Millennium. Mm-hmm. C'est pour ça que l'été, on l'a appelé Estival Puissance Millennium, parce qu'on est partout. Ouh. Là, on est dans nos studios pérosiens et ça, on aime beaucoup parce qu'il fait drôlement beau. Et ça nous fait bien plaisir. Non, mais dans les studios. Oui, c'est magnifique, il y a des plantes. Ah ouais. On a l'air vraiment d'être sur notre petite île, c'est bien sympa. C'est l'été. Voilà. Nous partons en musique, mais avant, petit tour d'horizon du programme. Donc, on va retrouver le saint du jour. Ouais. Donc, on va pouvoir fêter la fête de quelqu'un. Waouh. Mais qui c'est? Ah, je sais pas du tout. Tu sais pas? Non. Si. Toi, tu sais? Ouais. Ah, faut pas trop dire, hein, c'est surprise. Surprise, surprise. Bonne, Tug and Harmony featuring Akon, I Tried. You know, don't nothing come easy. You gotta try real, real hard. I tried hard. But I guess I gotta try hard. I try so hard. Can't seem to get away from misery. Man, I try so hard. First let me explain that I'm just a black man, black and I come man. From the dark side, so I'm having a hard time staying on track, man. My mind be racing, and I don't even know what I'm chasing yet. Been in and out of relationships, I'm starting to see that it's me with the complications at. But I'm laying back, praying that you get that peace of mind of me. I thought I was right, but really I'm wrong. Then again, I was too blind to see. I was in the fast lane, chasing my dream, and then the scene when the fame and cash came, they just got me going crazy. I've been so faded, trying to erase it, but I just can't, cause the drama just goes greater. And I've been in so many collisions, but I'm putting it off to later. I try so hard, can't seem to get away from misery. Man, I try so hard, won't always be a victim of these streets. It ain't my fault, cause I try to get away, but trouble follows me. And still I try so hard, hoping one day you'll come and rescue. Posted up right here, ain't sleep, hell, snow, but until then, I'll be posted up right here with my heat getting low. It's like I'm taking 5 steps forward and 10 steps back. Trying to get ahead of the game, but I can't seem to get it on track. And I keep running away to ones that say they love me the most. How could I create the distance when it's supposed to be close? And I just don't know, but I'll be out here fighting demons. And it's like a curse that I can't shake this part of Cleveland. And Lord, would you help me and stop this pain I keep inflicting on my family? Hustling and gambling, drinking and scrambling, and losing sight of what I'm supposed to be handling. It's hard to manage, cause every day's a challenge. And man, I'm slipping, can't lose my balance. I'm trying not to panic. I try so hard, can't seem to get away from misery. Man, I try so hard, will always be a victim of these streets. It ain't my fault, cause I try to get away, but trouble follows me. And still I try so hard, hoping close up right here with my heat getting low, getting low. I see things won't change. I'm stuck in the game. As soon as I get out, it keeps pulling me back, man. Got me doing dirty, dirty, dirty. So used to this hustle money that I don't understand. No 9-to-5 work. Studied on the streets. Hustlers know what I mean. Hustlers balling before us. I'm trying to make that major league. So we never leave, never. Till the sun came up. Gotta get it. No, no leaving, no rush. Today games they play. Gotta go hard and get what you put in. If you fall off, then it's all on you. Gotta watch what you sign to. Try so hard, but I won't play. I try so hard. Can't seem to get away from misery. Man, I try so hard. Up right here and sleep real slow. But until then, I'll be posted up right here with my heat getting low, getting low. Tu kiffes les huîtres? Le club VIP t'offre un max de fruits de mer. Un peu que c'est vrai, champion. 48 huîtres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 huîtres. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Pouf, vous y êtes, c'est au cœur de l'été. C'est là que ça se passe, avec Mallory, avec Léna dans les studios. Ouais. Bah oui, vous avez raison de vous enflammer. C'est énorme d'être dans l'été, là. Moi j'ai pris des coups de soleil et rien d'en parler au micro. Alors j'imagine vous les auditeurs qui êtes sur le point d'aller sur la plage ou à proximité de l'océan, vous dites c'est incroyable. Bon ici c'est la mer, c'est la Manche, mais c'est limitrophe de l'océan. Nous allons faire un point du côté du programme, Léna, puisque nous avons une chronique. Vous savez, je mets les auditeurs dans la confidence, elle est en préparation des prochaines chroniques à venir dans la partie préparation qui est très loin de la radio, hein. C'est environ à 100 mètres. Donc elle est partie, comme Carl Johnson à son époque. Carl, comment il s'appelait ce coureur de 100 mètres là? Je sais pas, Thomas n'est pas là. Thomas, viens nous aider. Non, il est parti. Carl Johnson, je dis n'importe quoi. Carl Lewis. Oui. Voilà. Alors, la Carl Lewis que tu es de la chronique va nous expliquer un peu ce qu'on va retrouver là. On va retrouver le saint du jour. Voilà, c'est un prénom à l'honneur. Voilà. Mallory, tu connais le prénom du jour? Oui. Ouais, t'en connais? Je crois que son petit amoureux, oui. Il s'appelle comme ça. On a un scoop à la radio. Non. Écoute, peut-être sur internet, attention. Oh là là. Peut-être. Nous allons attaquer le saint du jour, mais pas trop fort. Saint du jour, un saint à l'honneur. Alors aujourd'hui, nous allons fêter la fête à Julien, donc bonne fête au Julien. Wouh. Ça c'est incroyable. Alors, Julien est un être discret, son existence est en principe facile. Vous avez une grande patience, vous avez le don de séduire et de créer des liens. Vous vous montrez apte à transmettre ce que vous recevez. Ouais, c'est pas beau. Mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est génial de s'appeler Julien. Ouais, incroyable. Mais en fait, tous les prénoms ont comme ça un peu leur qualité. C'est vrai que plus t'as de prénoms, à mon avis, plus tu gagnes le... Ah, moi j'en ai trois. T'as trois prénoms? Quatre. Ah ouais, c'est si jamais il y en a un qui disparaissait, donc voilà. T'en aurais toujours un de secours. Mais t'en as pas, toi? Non, moi j'en ai que deux. T'en as que deux, j'en toi? J'en ai que deux. Ah. Ah ouais, mais ouais, du coup, ça me laisse, si jamais le mien partait, j'en aurais juste un seul autre de secours. Ah, toi, Malo, t'en as combien? T'en as trois? De quoi? De prénoms. Des prénoms? Oui. Pour la musique, Shakira, Beyoncé, Beautiful Liar. Bonne fête au Julien, on appelle un bonne Julien fête. Derrière, ça va être un canular. Let's not kill the karma. Let's not stop. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et je plouffe encore. On est plongé, on n'arrête pas de plonger dans l'été. C'est incroyable comment on est comme ça. Fripon aujourd'hui à la radio. Il y a Alina dans les studios. Il y a Malo. Il y a notre expert expert sportif également. Et il y a Jack, moi-même, pour vous accompagner au cœur de cet été. Alors je suis totalement avec vous en adéquation totale. Et puis je vais vous offrir des huîtres. On va, toute l'équipe va vous offrir dans des 8,48 exactement. Vous êtes friands, hein. Ça on le sait, vous êtes gourmands, vous avez mangé un paquet pour l'instant. Surtout ceux qui ont gagné, hein. Et je pense à ceux qui n'ont pas gagné, bah, ils pourront gagner. On va jouer au Sun Game d'ici moins d'une heure. Et cette fois, c'est par téléphone. Donc il faudra nous appeler le plus vite possible. C'est des trucs qu'on adore, ça. Tu sais, tu donnes un top et les auditeurs, ils essayent d'appeler, ils composent le téléphone. Alors c'est le 02 96 49 41 02. C'est presque ça. C'est ça. Mais non, c'est pas mal de donner des handicaps. C'est 02 96 49 41 02. C'est ça. Je sais pas ce que j'ai dit avant. On vérifiera. Ah bon, pardon. Il y a Malo dans les studios qui nous annonce les titres également. On fait un petit point quand même du côté du programme. Il y a tout simplement le saint du jour, ouais, tout à fait. C'est la Saint-Julien aujourd'hui, il faut le dire. Oui, bonne fête aux Julien. Bonne fête, Julien. Bonne fête. Et il y a également un point très important du côté du canular. Parce qu'aujourd'hui, il va être bien marrant. Alors vas-y, explique-nous. Parce que toi, tu l'as préparé pendant que je préparais ma chronique du télescope. J'arrête pas de préparer le canular. Qu'as-tu préparé ? On va appeler une entreprise pour aujourd'hui. Mm-hmm. Une entreprise spécialisée dans le nettoyage. Mais je vous en dis pas plus. C'est juste après. Malo, au taquet. Attention, oui. Hein. Ouais, c'est quoi la musique ? Magic System, qui dit mai ? Qui dit mai, wouh ! Magic System encore ici, avec quoi de Belé ? Mais, y'a quoi les gars ? Soudain, comment y'a, yo ? C'est toujours le show. En Côte d'Ivoire, entre nous, c'est toujours l'ambiance. Magic System qui dit mais sur l'antenne. Wow, ça met le feu, ça bouge bien, c'est énorme. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Ah ouais, l'été, ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Ça s'annonce bien sur l'antenne, c'est le 107.4 que vous écoutez. C'est estival, tout simplement. On vous met le feu, hein. Vous avez de la chance, hein. Vous êtes vernis, les auditeurs. Oui, il est là. Ouais. Ouais. Alors, on va attaquer avec le canuaire du jour. On va appeler une entreprise qui s'appelle Julien. Ah ouais. Ouais, ah ouais. Hein. Pourquoi? Et pourquoi donc? Parce que c'est la fête de... Julien. C'est beau, ça. Alors, c'est une entreprise spécialisée dans le nettoyage, n'est-ce pas? Dans la dératisation, la désinfection, traitement de bois, des termites, et c'est agréé en plus, donc ça va être énorme. Donc, ma chambre a des soucis, comment je vais m'appeler aujourd'hui? Mallory, t'as une idée de prénom pour moi? Moi je dis Patrick Kidimé. Patrick Kidimé. Robert. Ah bah, Robert Patrick Kidimé. Un nom à rallonge, mais on va voir. Alors c'est parti, on vérifie la ligne. Ouais, c'est pas mal. Robert Patrick, ça fait plus. Oh non, ouais. Kidimé. Je vais dire Kidimé dans le cahier. Ouais. Rose, bonjour. Oui, bonjour. Julien? Vous êtes? Julien. Non, c'est Julien Arouze. Oui. C'est bien ça. Robert Patrick Kidimé. Donc, je vous appelle au sujet de tout ce qui est, en fait, désinfection et surtout dératisation. Oui. Bon, voilà. En fait, je travaille pour un hôtel, un multi-hôtel. Mm-hmm. Vous voyez le concept? Bah oui. Ouais, on fait des chambres à thématique. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Bah déjà, je vous explique un peu le concept, hein, Robert Patrick. Et ensuite, bah je voulais savoir si vous pouvez intervenir, tout simplement. Vous êtes sur quel secteur? Bah moi, je suis du côté de Paris, hein, la capitale, tout simplement. Du côté du 15e. D'accord. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas dans le 15e, c'est pour ça que je vous appelle. Déjà, au niveau géographique, ça peut coller ou pas? Oui, bien sûr, 15e, il n'y a pas de souci. Ouais. Vous êtes au premier, hein, il me semble. Dans le premier, oui. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai un multi-hôtel à thématique multiple. Et donc, on a des chambres, vous savez, c'est comme, par exemple, il y a la chambre à thème. Et nous avons une chambre spécialisée dans l'animologie. On a des chats, des chiens pour les clients. Hein. Et par contre, on a des soucis. On a des soucis de termites dans cette chambre-là. De termites? Voilà. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce soit des termites? Ça fait des trous de plusieurs centimètres carrés. Pour ça, il faut avoir une analyse. Il faut qu'il y ait une société, qu'il y ait une expertise. Qui dit mais? Bah, qui vienne voir au moins si réellement c'est. Qui approuve vraiment que ce soit des termites, parce que. Ouais. Mais vous pensez que tous ces animaux qu'on met, cette thématique qu'on essaye de donner, ça peut faire venir des parasites? Oui, ça, bien sûr, ça peut faire... c'est des animaux, vivants ou... C'est vivant, tout à fait, oui, c'est pour donner cette ambiance, vous comprenez bien. Mm-hmm. Voilà, alors je vous appelais surtout pour ça, et pour savoir à quel niveau on pourrait tout simplement déterminer. Alors, attendez, quittez pas. C'est le terme exact, détermité? Non, on fait une désinsectisation thermite, voilà. Thermique, avec la chaleur? Thermite. Ah, d'accord. Quittez pas. Qui dit mais? Bon. D'accord, j'ai dit ça. Donc, Mallory me suggère... Tu peux parler au micro, hein. Donc, tu me suggérais, Malo? De dire à cette dame, ouais, que les termites ont mangé tous tes habits. Ouais, d'accord. Tu n'as plus de caleçon. Ah, d'accord, je vais essayer de dire ça. Ouais. Déjà qu'il a des problèmes de machine à laver. Allô? Allô, allô? Non, mais je crois qu'elle t'a lâché. Allô, allô, allô? Allô? Ne quittez pas, hein? Oh là là. Oh, on a de la musique. Oh, une belle musique, quoi. Pourquoi mon cas est si compliqué? Pourquoi? Oui. Ah oui. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Robert Patrick Kidimé. Robert Patrick Kidimé. Oui. Donc je vous appelle au sujet d'un souci pour des termites. Hein. Je présuppose, j'ai eu votre collègue à l'instant qui me disait que c'était sûrement ça, qui font des trous en fait, parce qu'on a des animaux dans des pièces. Et donc c'est des parasites hein, qui sont attirés par le monde animal. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous pouviez intervenir. Ah, termites. Vous me parlez de termites là. Oui, tout à fait, parce que j'ai des vêtements également qui sont mangés. Ça, c'est pas des termites, c'est des mites. Ah, vous pensez ? Parce que j'ai des trous dans mes vêtements. Attendez, excusez-moi. Oui, pas de problème. Allô ? Oui, excusez-moi. Oui, pas de soucis. Ouais. Vous voyez, ça fait des gros trous dans mes vêtements, c'est quoi ? Ça pourrait être quoi ? Des mites, pas des termites. Ah oui, d'accord. Vous intervenez également dans les mites ? Non, mais c'est ce que c'est que des mites ? Des termites, c'est dans le bourg, hein. Ouais. Donc vous, c'est des mites, que vous avez des mites à vêtements. Ah, d'accord. Venir au magasin, puis je vous vends du produit, tout simplement. D'accord. Tout ça. Donc parce que j'ai non seulement le socle, vous savez, les armoires qui sont rongées, et mes vêtements, mes caleçons, qui sont détruits. Non, alors là, vous avez certainement deux sortes d'insectes. Hein. Vous avez à la fois... Et j'ai des petits rats qui passent sous le lit. Des rats ? Ouais, aussi. Ça, il faut venir au magasin, puis moi, je vous vends tout ça, parce que ça va être pas évident à expliquer. Hein. Et vous pensez que ma chambre est insalubre ? Votre chambre insalubre ? Bah, monsieur, je suis pas là pour voir, hein. Ouais. Puis moi, j'ai pas de critique à dire, ni à faire, monsieur. Hein. Ça n'a rien à voir. Bah non, mais je vous demande simplement, parce que vu votre expérience, et on m'a recommandé quand même de vous appeler... Ouais. Ah bah nous, on va vous vendre du produit pour vos insectes et vos rongeurs, et puis c'est tout, hein, monsieur. Après, ouais, ça fait beaucoup quand même pour moi. Libre. Parce que là, j'ai plus beaucoup de vêtements à me mettre. Hein. Enfin, c'est trèfle de plaisanterie, mais c'est vrai que c'est un vrai fléau. Mm. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Vous pouvez venir le samedi, c'est ouvert. Hein. Ouais, tout à fait. Je vais pas me gêner parce que là, au point où j'en suis, j'ai quasiment plus qu'un caleçon à me mettre sur le derrière, vous voyez. Donc, je vais venir au plus vite quand même. Hein. Ouais, samedi, c'est ouvert. Hein. Robert Patrick Kidimé, en tout cas, je vous remercie. Ouais, au revoir. Et Kidimé, vous dites quand même pas mal. Hein. Merci, vous m'avez bien dépanné. Au revoir. Non, je savais plus comment m'en sortir. Hein. Hop là! Ils étaient très sympathiques, toujours, à chaque fois. Les entreprises comme ça sont toujours très sympathiques, très au service du client. Oui, on a beau avoir tous les problèmes du monde, ils ont toutes les solutions du monde. Moi, ça, j'apprécie. Roger Sanchez, featuring JTO, Turn On The Music. C'est un remix à Axel Radio. Well, I've been waiting. Hey DJ, please won't you turn it up? Wanna feel that bass, yeah, as I get a rush. And when it comes, I can't get enough. So turn on the music. Why don't you turn on the music? Oh Lord, how do you think? When you turn on the music, music, yeah. It's time you turn on the music. Feel that sound washing over me. Cause every time you turn on the music, I can't control what comes over me. Think it's time you turn on the music. Feel that sound washing over me. Cause every time you turn on the music, I can't control what comes over me. Right through my body, right down to my soul. I think my mind's gone overload. So turn up the music. Why don't you turn up the music? Oh, you know how to use it. You gotta turn up the music, music, yeah. That sound. Feel that sound. Roger, il s'appelle comme ça, Sanchez, c'est son nom, featuring JTO, Turn on the Music. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Pain, pain, pain, pain, pain. Et ouais, vous êtes sur la radio. Et ça se passe hyper bien, c'est le club VIP, avec Léna dans les studios, il y a également Malo. Ouh, dans une ambiance, mais je vous dis que ça, hein. C'est la première fois que l'ambiance est si forte. Ouais. Et j'ai l'impression que ça va être crescendo jusqu'à la fin de l'été. C'est le début d'une autre aventure encore, mais ça va être énorme. Bah c'est le mois d'août qui commence. Ah ouais, ça c'est énorme. Donc on est le 2 quand même, hein, pour petit oui, rappel déjà. Pour les auditeurs. Ouais, déjà. Ça passe vite. Et ouais, mais on est en plein cœur là. Mais ouais, c'est génial. Nous sommes heureux dans notre paroxysme, comme tu le dis si bien. Que se passe-t-il dans la radio si on fait un point du côté du programme? Bah la météo. Ah oui, la météo, ça, c'est important. J'ai oublié la météo. Non, je n'oublie jamais la météo. Alors tu me laisses une chanson le temps que j'aille voir dehors et je reviens. Tu sais quoi ? On va demander à Malo la chanson qu'on te laisse, justement, parce que tout est prévu à la radio. Bah ouais, et qu'est-ce qu'on va retrouver, Valérie ? Ah, regarde. Ah, ouh. Il faut être au taquet, hein. Eh, Malo, là, elle est trop dans MSN, là. On va te donner du café, hein. Alors c'est Timbaland, The Way I Am. Mais devrais-je me mettre à nu pour toi? Toi tu parles Timbaland sur l'antenne, The Way I Are featuring Tyson. C'est la fille. Club VIP. C'est même la chanteuse. Elle chante bien, on l'a vu. Hein. Parce qu'on regarde un peu les clips en même temps. Pour vous tenir informés, je peux vous dire, les chorés sont énormes. La suite, c'est avec Malo dans les studios. C'est avec Léna. Eh ouais, c'est l'ambiance toujours. Ouais, parce qu'on peut vous restituer comme ça l'ambiance de l'été au cœur d'Estival. C'est le principe, hein, c'est la machinerie de l'été, c'est Estival. C'est un peu le moteur, hein. Si on n'était pas là, l'été serait pas... hein, serait triste. Ah, il serait pas pareil. Heureusement, la machinerie se porte à merveille. Je regarde tous les appareillages. Ouais, effectivement, on est bon. Hein. On va pouvoir même vous restituer la météo. On, ici, on l'appelle la météo des fruits de mer. Parce qu'on sait que les fruits de mer ont besoin d'être mangés à une certaine température. Et ben, pour nous en parler, voici venue Léna dans les studios. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été en direct de la radio. Aujourd'hui, donc, il y aura des éclaircies. Il ne fera pas aussi beau qu'hier. La température sera de 21 degrés. L'eau... stationnaire ? Ouais. Mais l'eau de la mer va être à 16 degrés encore. Elle ne bouge pas. Et l'indice UV est toujours de 7 malgré les nuages. Ah ouais. Donc, c'est quoi ? C'est crème solaire ? Ouais. C'est lunettes ? Casquette. Et casquette. Et là, vous passez un été protégé du soleil. Voilà. C'est important. Oui. Sinon, on ressemble à des homards grillés. Ça fait pas... c'est pas la, la summer attitude. Non seulement sur l'apparence, et on m'a dit également un peu sur l'odeur quand même. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai mis une casquette. Oui. Pas de... tu mets toujours une casquette. Pour la musique, Mallory, qui est chargée quand même ici de vous faire la prog musicale, a choisi. Alors, qu'as-tu choisi, Mallory ? Je ne sais pas, tu m'as pas dit. Non, si, c'est Yael à cause des garçons. Il y en a qui écoutent. Hein. Tu vas voir, c'est à cause des garçons, c'est énorme. C'est à cause des garçons, on fait plein de bêtises. Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan. Gros, ça comme, ça comme, ça comme. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui a commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus. Pour de vous. officiel. Le club VIP. C'est le club VIP. C'est avec Léna. Léna qui est présente, là, attentive. Elle est en train de suivre un peu l'actualité puisque, vous le savez, nous allons tout simplement vous restituer le point sur la télévision bientôt. Bah, c'est le Dance Machine en fait. Oui, d'abord donc, c'est le Dance Machine. De farfouiller dans tous les coins pour trouver en fait le son du Dance Machine du jour. C'est formidable. Bah oui, mais je le trouve pas. C'est embêtant, il va falloir que tu le chantes. Ah oui ? Ouais. Mais je connais la chanson en plus du Dance Machine du jour. Et je pense qu'en chanson, ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs. C'est vrai qu'exceptionnellement, c'est Jack qui va nous faire la chanson d'une Dance Machine. Alors là, aujourd'hui. Je veux dire, on va faire des points d'audience d'ici peu. Là, préparez-vous à boucher vos oreilles, moi je dis. Préparez les autres radios à faire grise mine hein, sur la côte de Granit Rose, parce que là, on va tailler dans le lard. Si je me mets à chanter, c'est un peu ça. Hein. Ouais. C'est la boucherie. Hein. Les cordes vocales. Ah ouais, là, on y va carrément à la tronçonneuse. Hein. Il n'y a pas de pitié. Là, je te dératise une chambre hein, en moins de deux, parce que tous les bestioles, tous les termites, tous les parasites, ils meurent. Y'a plus personne. Non, plus personne. Même donc, nous, on s'en va. Le Dance Machine, ça consiste quand même à vous faire revivre un moment des années 90. Mm. Et c'est bien. Bah oui, ça reprend tous les Dance Machine. Bah en fait, il y en a même eu hein, jusqu'en 2005. Hein. Ça a continué. J'en ai trouvé, là. Ouais, j'en ai trouvé jusqu'en 2005. Donc, comme quoi. Hein. Avec Ilona Maîtressé, plein de choses comme ça. C'est les vacances, tout ça. Mm-hmm. Pour la musique, eh bien, Mallory, c'est un peu la patate chaude hein, de ce lancement, puisque ce titre n'est pas très simple à dire. Voici venu le temps pour Mallory de nous déclamer quelque part ce titre qui arrive à la radio. Oui, Feed le Grand, put your hands for Detroit. Detroit. Detroit. Detroit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. I love this city. Le club VIP t'offre un max de fruits de mer. Sapristi, c'est vrai ? Ouais ! Un poc, c'est vrai, champion ! 48 huîtres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 huîtres ! Ah bah ouais, ça met en appétit 48 huîtres, je peux te dire ça. Vous écoutez donc la radio estivale sur le 107.4, également internet. Il y a Malo dans les studios, il y a Léna, ça va, là, ça se passe bien ? Ouais, la forme est bonne. Oui. Très très bonne. Bon, bah, c'est parfait. Vous pouvez nous capter sur internet, Léna. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sérieux. Oh, ça y est, c'est bon. Wouh. Non, mais il y en a qui nous captent sur internet. Oui, c'est le. C'est des webmasters. C'est ça. Des web auditeurs. Ouais. Oui. Oui. On donne le site. Oui, donc www.station-millennium.com. Et moi, je te propose de faire un petit point parce que je sais que les auditeurs aiment bien savoir comme ça les coulisses de la radio. Hein. Mm-hmm. C'est très, très tendance et je comprends. Tu nous prépares quoi ? Alors non, nous allons juste appeler quand même notre spécialiste en internet pour savoir si tout se passe bien. Tu as besoin du micro. Alors. Il va nous donner effectivement les chiffres. Il va nous donner un petit peu le fonctionnement, le principe du fonctionnement de la radio sur internet, savoir comment vous pouvez encore mieux nous capter. Alors, j'ai besoin du micro, effectivement. On va voir si ça sonne chez notre webmaster préféré. On l'appelle comme ça, une petite voilà. Folie, comme ça. Il est peut-être devant son ordinateur. Mais on n'appelle jamais les gens de l'ombre, je trouve ça dommage. C'est vrai. Alors qu'il fait beaucoup pour la radio. Ah, tu recomposes le... Ah, ça y est. Donc on appelle. On appelle Franck, qui est également animateur de l'Happy Time. Il nous parlera un peu de l'émission également. Je trouve ça important de faire un point avec les animateurs sur l'émission, pour vous, auditeurs. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Salut Franck. Ça va? Ouais, ça va super bien. Alors, tu te permettais de t'appeler hein, pendant l'émission pour faire un point du côté de l'internet, le site, parce qu'on sait que la radio, c'est également l'internet, c'est la web diffusion. Comment ça se passe? Bah, comment ça se passe? En fait, il faut savoir que donc Station Millennium et Estival sont retransmis directement en ligne. Via internet, donc vous pouvez nous écouter le même programme que vous écoutez actuellement sur 107.4, mais sur internet dans le monde entier. C'est ça qui est merveilleux avec internet, c'est que c'est vraiment dans le monde entier, il n'y a pas de frontières. Et on salue les Américains, je crois qu'il y en a un. Alors, on a parmi les auditeurs, faut savoir quand même que dans les statistiques qui ressortent, on a quand même beaucoup de Français, heureusement. C'est un peu rassurant puisqu'on est francophone. Ouais. Mais il y a également nos amis belges et suisses qu'il faut saluer, à qui il faut dire bonjour. Bonjour la Belgique, bonjour la Suisse, effectivement. Pas mal sur le web, effectivement, hein, tout au long de la journée. Et sinon, effectivement, on a quelques pays comme le Canada, pour les pays francophones, et bien sûr, tu l'as dit, les États-Unis, puisque ils nous écoutent également. Alors, on n'en a pas beaucoup, hein, des auditeurs américains. C'est quel pourcentage ? Quel pourcentage ? Si on devait mettre un pourcentage, il est assez minime, hein, ça correspond à 2% d'audience hein, seulement. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas négatif, c'est dans le positif. Alors moi, je subodore qu'il s'agirait d'auditeurs, on va dire d'auditeurs francophones expatriés. D'accord, donc on les salue aussi. Il faut les saluer également, effectivement, puisque des francophones dans le monde entier, il y en a également. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi la magie d'Internet, c'est de pouvoir ouvrir les ondes locales et même nationales à des auditeurs expatriés. Voilà. Et donc, Franck, toi, t'es chargé comme ça de contrôler tout ce qui est Internet avec Matt. Je surveille, en fait. Hein. Je surveille avec Mathieu, effectivement, qui est le webmaster du site. Ouais. Donc, je m'occupe de surveiller donc tout ce qui se passe, voir les dysfonctionnements, si tout va bien, si tout se passe bien, si la programmation fonctionne bien. Enfin bref, surveiller, on va dire, tout au long de la journée, la programmation de la radio. Bon, bah c'est un sacré boulot. Et puis, on comptait quand même te rendre un petit hommage sur l'antenne hein, pour toutes ces personnes. continue bien à webmasteriser. Bah écoute, je transmettrai à Mathieu qui doit nous écouter actuellement d'ailleurs, je pense. Bah, coucou Mathieu. Ouais, coucou sur le web, puisque où il est, il ne capte pas, on va dire, la radio, donc il nous écoute essentiellement sur le web. D'accord. Donc, bonjour Mathieu, tu te reconnaîtras si tu nous écoutes. Ok, le message est passé en tout cas, et puis on te salue, on te retrouve à 17h, puisque Franck également, l'animateur vedette de l'Happy Time. Exactement, sur Estival, oui, bien sûr. Ouais. Et n'oublie pas, restez connectés sur 107.4 et puis sur Internet, bien sûr. Hein. Vous êtes d'ailleurs, ça fait plaisir de plus en plus nombreux à nous écouter. Bah, on vous salue. Ouais. Ciao, Franck, bye bye. Salut. Voilà pour ce petit tour d'horizon d'Internet. On attaque avec de la musique, c'est What I Want. Alors, le groupe, je me semble-t-il, c'est un produit par Bob Sinclair. Et c'est très fort, c'est quoi le titre ? Thomas ! Fireball. Baby, tonight you will be pleasing me. Make Fireball, produit par Bob Sinclair, What I Want. Allez, let's go pour la suite. Tous les samedis, Estival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Way Not. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et oui, on y est au cœur de l'été avec la suite du programme et ça se passe tout simplement en... Des studios de Perros Guirec. Donc nous allons retrouver le Dance Machine du jour ou le TVScope à votre choix. Tu décides quoi, Malo? TVScope, Dance Machine? Dance. Ah, il y en a qui dit Dance Machine. TVScope. Aïe, aïe, aïe, Thomas, tu veux quoi? Tu veux quoi au menu? Ouais. Dance Machine, bon bah on y va. Ça va être plus simple parce qu'il est calé en fait. Ah, tu l'as calé? Bah ouais, d'accord. C'est calé, c'est on pour a même ça. Pas le droit au choix ici. Non mais c'est quoi c'est... Mais non, mais quand les chroniques sont calées, c'est pour les auditeurs. Alors le Dance Machine du jour, on plonge dans un revival des années 90 et on vous en fait une espèce de commentaire. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, juste après le jingle, vous allez tout savoir. C'est Léna qui va s'y coller. C'est le Dance Machine, le Dance Machine du jour. Et d'ailleurs, j'ai mis effectivement le Dance Machine du jour, donc juste après son jingle, qui est bien sympatoche. Le jingle de Dance Machine est toujours compliqué à trouver, il est sous une pile de vinyle. On les met sur vinyle, les jingles ici à la radio. Voilà, il est là. Tac, c'est parti. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Benga Boys. Donc, tout le monde connaît Benga Boys, peut-être pas Mallory, puisque... Ah si, c'est des années 97. Tu dois quand même connaître. Donc c'était un groupe hollandais d'Eurodance qui a connu en fait son succès en 97. Leurs singles les plus connus sont Uncle John from Jamaica. Il y en a un autre, c'est We Like to Party. Donc ce qu'il faut savoir... Oh, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est le V dans le nom du groupe de Benga Boys se prononce comme un B. Benga Boys. Benga Boys, parce qu'en fait, le chanteur du groupe disait toujours Benga, Benga, Benga, donc ça veut dire viens en espagnol. Et donc, ils l'ont appelé Benga Boys. Donc, c'est comme ça que c'est... C'est cocasse, cette petite anecdote. Donc, leurs déguisements ne sont pas sans rappeler ceux des Village People. Donc, en leur temps, c'était assez marrant. Ah bah, donc, les Village People. Leur musique se base essentiellement sur des mélodies latines et notamment brésiliennes. Et l'extrait, c'est boum, boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Et puis, Léna, tu vas être chargée pour les auditeurs quand même de restituer l'ambiance du clip. Il est juste là, à mon micro, juste derrière. Je vais lancer le titre, il y a le clip, tu fais un petit résumé pour les auditeurs. Faut que j'aille derrière toi, là. Ah ouais, juste après la chanson, tu feras un petit résumé. T'as intérêt à le regarder. Attention, tu prends des notes. Hein. Voilà. Allez, on plonge dans les années 90. Benga Boy, boum, boum, boum, boum. Oh là là, le son. I want Manga Boy. Boum, boum, boum, boum, c'est le titre exact. Et c'est le revival du jour, le Dance Machine, comme on dit dans l'antenne, sur l'antenne. Et voilà, pour, plonge dans l'été. Pour avoir plongé dans le cœur des années 90, voilà à quoi on a été récompensé à la sauce Benga Boy. Et le clip était comment, puisqu'on regardait le clip en même temps? Très sympathique de l'époque, ma foi. Avec des filles qui dansaient, voilà. Puis les garçons qui regardaient. C'est avec les shorts mi-cuisse qui remontent, ouais, jusqu'en haut du nombril, c'est assez marrant. Ouais. Avec les petits hauts qui viennent juste en dessous, là, coupés en fait au milieu du ventre. Non, mais c'est pas mal, ça rappelle une grande époque. Bah, sans doute que ça reviendra à la mode, hein. Tu sais, les modes sont cycliques. Non, je crois pas ça. Oh, tout ça revient. Tôt ou tard. Mais toi, on a dit pareil, des pantalons pet def, et t'as vu? Oui, mais moi, c'est un peu plus stylé quand même, le pantalon pet def. Ah oui, mais ça, c'est ce que tu diras, mais dans 10 ans, tu verras, ils ont tout ça. Philippe Catherine, 100% VIP, remix Metalhead. Catherine, 100% VIP sur l'antenne, c'était les Method Head, c'est excellent. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Vous y êtes? c'est l'été. Et puis Mallory, on va retrouver donc on explique quand même aux auditeurs qu'on est en compagnie aujourd'hui de Mallory. Ouais. Ouais. Il y a également Léna dans les studios. Ouais, ouais. Et nous allons attaquer avec le journal de la rédaction. Mallory, tu donnes le top, tu dis top journaliste et c'est parti. Top journaliste. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors aujourd'hui, je vous donne deux nouvelles news hein, que vous n'avez pas eues précédemment. Il pince la fesse d'une journaliste en direct, la police le recherche. Et vous avez également au Japon un jeu biométrique pour grimacer intelligemment. Londres, la police britannique recherchait un mercredi un homme qui a pincé la fesse d'une journaliste alors qu'elle était en direct à la télévision. Une séquence qui a été mise en ligne sur le site YouTube. La scène qui avait été visionnée à 45 000 reprises quand même mercredi matin montre Stu Thornton, journaliste de la chaîne Channel 4, intervenant en direct devant la caméra lors d'un reportage à Oxford. Et les images, donc ça parlait d'inondation, le thème, et un homme dont le visage est aisément identifiable dans la séquence arrive dans son dos, lui pince la fesse droite et poursuit son chemin imperturbable. La police le recherche, ouais, quand même pour un pinçage de fesse c'est quand même beaucoup hein. On va mettre le FBI sur le coup. Non mais franchement c'est anglais hein. Tokyo, le numéro 1 mondial des consoles de jeux vidéo portables. Le japonais donc Nintendo va lancer jeudi au Japon un logiciel de grimaces intelligentes pour relaxer les muscles et muscler le visage du joueur. Grâce à une très sérieuse technologie biométrique de reconnaissance faciale. A mon avis c'est pas mal du tout pour tout simplement avoir le visage relaxé. Ça arrive avec une flopée d'entraînement qui donc consiste à faire des grimaces. J'en ai fait une. Alors je sais pas, j'ai qui relaxante. On essaye. Tu fais une grimace, Léna, pour voir. Ah si. Ouh. Ah, je t'en fais pas à la radio. C'est énorme. Moi j'ai pas besoin de la console, mais peut-être que je vais l'acheter quand même parce que je vais en trouver des nouvelles. Pour la suite du programme, ça se passe dans les estivales Cap Armor, c'est le sport, c'est également les animations culturelles, c'est avec Léna. Alors aujourd'hui, vous avez de la magie de 14h à 16h, un tournoi de tennis ballon à Trestrignel de 15h à 17h30 et de l'escrime de 16h30 à 18h. Ensuite pour la soirée, vous avez du kayak de 17h à 19h30, du bowling de 19h30 à 21h et ce soir c'est podium jeune talent au jeudi de 13 travaux de 21h à 21h45. Et pour demain. Alors, vous avez l'initiation percussion africaine de 14h à 16h sur 13 Traou. Vous avez Droom Estival, donc qui est un défi activité sportive de 14h30 à 17h, donc à Central Park. Dans la soirée, c'est une balade en voilier de 17h à 19h30 et du tennis de table de 17h à 19h en initiation. Pour destination bien-être. Donc aujourd'hui c'est la radio, donc elles vont vous parler en fait des rencontres de l'été sur 13 Traou. Et pour vendredi, vendredi, adoptez la zen attitude puisque elles vont vous parler des sports d'eau qui vous permettent aussi de vous détendre. On peut faire du sport, se détendre, c'est magnifique. C'est génial et ça se passe sur Estival, la musique. Oui, c'est David Vendetta, Rig for Love. You know. Oh, wow. Don't stop. Bah, c'est fou. David Vendetta, Break for Love. C'est l'antenne qui veut ça. Mais David Vendetta est énorme et on va vous le diffuser un max de fois sur l'antenne. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Et on plonge toujours dans cet été qui s'annonce bien estival avec son lot de summer chronique. On va faire un point, et c'est inopiné, on aime bien les points inopinés, sur le sport avec notre chroniqueur sportif. Il vient d'arriver en un temps record. Il s'agit Mallory, parce que je mets donc nos auditeurs dans la confidence. Dans la radio, il y a Mallory. Oui, pardon. Oui. Il y a Léna. Et il y a Thomas, qui est donc chroniqueur sportif ici à la radio. Et il va nous parler tout simplement de sport, puisque c'est un peu le principe quand même. Hein. Bonjour. Salut Quentin. Salut Jack plutôt. Quentin, c'est réalisateur. Il est sympa aussi. Il est sympa. Hein. Ah oui, bah, je l'avais oublié d'ailleurs. Tu me fais bien de me le rappeler parce que je suis en train de vous citer tout le monde et j'oublie le réalisateur. Bah oui, à chaque fois. Incroyable. Bonjour, salut Quentin. Nous allons attaquer avec la suite du programme. Et ben, c'est tout simplement, c'est tout simplement le sport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer par le football. Je vais parler pas mal aujourd'hui football puisque la reprise, c'est quand même samedi, donc c'est important. Et je vais faire un petit sondage ici dans l'équipe pour savoir qui vous pronostiquez pour succéder à Lyon pour remporter le championnat. Ça marche. Alors vas-y Jack. Lyon. D'accord, c'est pas trop dur. Léna. Pareil. Lyon. Ouais. Mallory. Pareil. Ok. Bon. Sinon, s'il fallait en dire une autre, peut-être... je vois bien bizarrement Bordeaux. Bordeaux, d'accord. Bah, j'en parlais de toute façon. J'ai sélectionné quelques équipes pour dire quels sont leurs points forts pour la saison à venir et comment ils sont susceptibles d'évoluer. De titiller Lyon, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, je vais commencer par le PSG. Donc, PSG, oui. Donc, il y a Paul Le Guen. Donc, c'est un bon entraîneur puisqu'il a remporté avec Lyon deux titres. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ils ont fini. Ils ont fait une belle deuxième partie de saison, le PSG, donc ils sont capables de rééditer leur performance sur une année complète. Ensuite, il y a Monaco, ils ont un bel effectif. Ils ont une équipe plutôt équilibrée, donc il y a Menez, Piquen, donc il y a pas mal de créativité, donc ça peut être intéressant sur le papier. Après, il faut voir dans les matchs s'ils sont capables d'évoluer comme ça. Marseille, le rival numéro 1, donc ils ont fait un sacré marché des transferts. Ils ont recruté Ziani, ils ont recruté Fatih, ils ont recruté Zenden, ils ont recruté aussi Cherou, donc pas mal de bons joueurs. Ils ont Nasri et Cissé encore, donc c'est une équipe renforcée en défense et surtout en milieu. Donc je pense qu'elle peut réaliser de bonnes performances en championnat et aussi en Ligue des Champions. Et enfin il y a Bordeaux aussi, une équipe assez régulière sur le championnat. Il y a peu eu de changements et c'est une équipe assez défensive, donc en défense, je pense que... Oui, ça peut être pas mal. Voilà, exactement. Ensuite, juste pour dire qu'à l'étranger, ça se bouscule aussi. Par exemple, Kaka qui est ultra demandé par la Real de Madrid, pardon. Ils sont prêts à offrir deux joueurs, Rolio Batista et Cassano. Plus une belle somme de 55 millions d'euros, donc c'est pas rien. Non. Et il y a aussi Robben qui est sur la liste du Real pour venir cette saison. Il y a Nesta aussi qui prend sa retraite internationale à l'âge de 31 ans. Faut savoir voilà. S'arrêter. Hein. Exactement, il imite son compatriote Totti. Et enfin, il y a aussi l'actualité en ce qui concerne le rallye. Donc aujourd'hui, c'est le rallye de Finlande qui débute. Donc il y a Marcus Grönholm qui est toujours en tête avec 65 points. Et donc il a 9 points d'avance sur Sébastien Loeb. Ah. Voilà. Donc ça va être, ça sera pas évident ce week-end pour Sébastien Loeb parce que c'est plutôt le terrain des Finlandais. Et comme on sait que Grönholm est finlandais, il est déjà... favorisé. Exactement. Ouais, d'accord. Enfin, en tennis, pour dire que au tournoi de Washington, Arnaud Clément a été éliminé d'entrée par Thomas Johansson en 3-7. Ouais, mais il est fort lui. Ouais, il revient sur le devant de la piste, on va dire. Donc ensuite, il y a Julien Benedetto, lui, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant japonais Nishikori en 2-7. Mm. Et enfin, à Sopot, Gilles Simon s'est qualifié pour les quarts de finale en battant en 3-7 Pachanski. Pachanski, ouais. Voilà. Pas mal. pas très connu. Bah, tout ça pour vous dire que le sport est en effervescence hein, cet été. Et on vous restitue tout ça sur l'antenne. Merci en tout cas, Thomas. La musique avec Malo. Oui, Black Runners is Party Started. Ça, c'est énorme. How long can you go? Everybody, we've got the power to make the clubs move all around the world. Club VIP, privé de la FM. Eh ben non, c'est pas si privé que ça puisqu'on vous accueille tout simplement dans le club VIP. À l'instant, Malo, c'était le titre. Exactement. Mais oui, c'était eux. Black. Du groupe eux. This Party Started. Black Runner. This Party Started. Ouais, oui, tout à fait. Tout à fait. La suite du programme. Donc vous êtes en compagnie de Malo. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Il y a également Léna. Wouh. Il y a Thomas dans les studios. Yeah. Yeah. Il y a Jack même. Oh, ouais. Ouais. Réalisateur quand même. Faut le saluer. Bravo. Il fait un travail de titan. Allez Quentin, coucou. Ouais. Tu vas bien? Oui, il va bien. Ouais. Et il est derrière le pauvre. On le voit jamais. Ben non. C'est l'homme de l'ombre. Bah ouais. C'est terrible pour lui. Nous allons attaquer avec le TV-scope. Si vous aimez regarder la télé, bah c'est foutu. Puisque tout simplement, on va vous en parler et on va justement vous donner l'envie d'écouter plutôt la radio, puisqu'on vous fait un point sur les choses les plus débilissantes de la télé. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez costaud, d'assez croustillant, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On va parler de sport. D'accord. On va suivre la chronique de Thomas. Bah, parlons sport aujourd'hui, voilà. J'ai l'impression qu'on va suer, on va transpirer. Pour lui faire plaisir, j'ai pris cette télescope là. Le télescope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Je vais vous parler donc d'une émission qui s'appelle À la recherche du nouveau champion sportif, donc en français, qui est The Contender en américain. L'émission est coproduite par l'acteur Sylvester Stallone avec la participation donc, du champion légendaire. Alors c'est Sugar Ray Leonard, c'est ouais. Ça Thomas ? C'est ça. Je pense. Le principe de cette émission, c'est des jeunes boxeurs doivent apprendre le dur métier de boxeur professionnel et doivent s'affronter les uns contre les autres. Donc ils ont comme professeur des anciens boxeurs expérimentés et le gagnant pourra se lancer dans une carrière professionnelle et gagner plus d'un million de dollars. Pas mal. Tu viens de battre ? Voilà. Tu viens de battre ? Ouais, pour un million de dollars, je te défonce. Ça y'a pas de problème. Non, bah, on y va. Tu fais le tour de la régie, tu okay, viens me chercher. Ok, j'arrive. Moi, je te provoque. Vas-y, d'un coup de boule. Et donc, alors, comme ça, ils se battent, c'est tout ? Voilà. En fait, tu vois, ils ont, pendant un temps, ils s'entraînent dans des salles avec des professeurs bah, expérimentés, comme je disais, des anciens, ouais, des anciens, Stallone, tout ça. Ouais, des anciens boxeurs. Et donc après, ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont 12. Ils sont plus d'une dizaine, ça c'est sûr. Et ils sont en train de se taper dessus. Donc pour gagner 1 million de dollars, c'est sympa. Bien. Bon, je le ferai. Hein. Et sans doute, c'est des pros, c'est des anciens pros ou des gens qui essayent de devenir pros, c'est non, ça ? Non, c'est des amateurs qui veulent se lancer dans une carrière pro. Et donc c'est l'émission, normalement, est un tremplin. Ouais, d'accord. Voilà. Ils améliorent leur technique pendant l'émission. Bouge pas ! T'as vu ma droite ? Au départ, c'était un peu faible. Maintenant... Elle est forte. Voilà. On écoute, je crois, un extrait de. Oui, c'est en fait parce qu'en fait, cette émission passe sur W9, donc sur une chaîne du câble. Mmh. Et donc, j'ai récupéré chaîne, la BO. Mmh. Retrouvez-moi sur W9 pour une aventure inoubliable au cœur d'un sport mythique, la boxe anglaise. Le Contender raconte la vie, les rêves et les peurs de 16 héros, 16 combattants où chacun veut devenir Stallone. Un champion. Est-ce que pour toi tu veux ? Ok. Il est arrogant et il n'y en a rien à foutre. Tu dois le casser, ce gars ! Il n'a plus de jus ! Quelques-uns des meilleurs espoirs de la boxe américaine t'apprendent devant les caméras de télévision pour empocher un pactole d'un million de dollars. Tu dois gagner celui-là ou tu rentres à la maison ! Le vainqueur reste. Le vaincu. Le Contender, le show le plus percutant de la télé américaine présenté par Cécile Siméon, jeudi à 22h20 sur W9. C'est même les heures. Tu as entendu la douce voix de Silverstar. Ouais, j'ai un problème. Les faibles partent. Bah oui. Bah oui, les forcément. Les faibles sont vaincus, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on va écouter maintenant sur l'antenne ? Allez, Malo. C'est Carter, Tyrone, juste pour le week-end. Ça rigole plus. J'ai un bon cœur. Si tu m'appelles, je sais que t'es pas. Si tu cherches un mec juste pour le week-end, sais comment ça se tasse. Dès le lundi, stop chrono, plein de promos. J'esquive les paparazzi, j'bouge solo. Tu peux me pécho avec MP en pleine tournée, dans l'humeur à Djibril. En pleine journée, avec une lady en fin de semaine. J'appelle mon équipe phénomène, prêt pour nouveau week-end. Et les gens se promènent, on est sorti, on vient contrôler. Et de fiesta, fiesta, on ne joue pas les restars, on est dans moi. Tyrone Carter, juste pour le week-end. Avec le club VIP, plonge dans l'été. Ah ben l'été est génialement parti, hein. Avec tout simplement notre chroniqueuse Malo dans les studios. Oui. On va pas tarder à attaquer la fin de l'émission. Encore une chanson. Et on fera un point juste après cette chanson du côté du Relax Reflex. Et également du côté de Nogent. Où on boit un très bon petit... Oui, voilà. Tu connais pas les expressions françaises? Non. Je te chanterai cette chanson. Du côté de Nogent, on boit de l'eau blanche, voilà, tout simplement. Nous allons attaquer avec la suite du programme. C'est donc le Relax Reflex, également le jeu Le Sun Game. C'est excellent, oui. Ça, pour gagner des huîtres. Aujourd'hui, on vous fait tout simplement gagner 48 huîtres. Mm-hmm. Et puis également... une place de cinéma. Voilà, une place de ciné. Faut être dur, faut être un peu difficile, mais c'est ça. David Guetta pour la musique, Delirious, le Relax Reflex juste derrière. David Guetta, Delirious. Énorme. Club VIP. Le Club VIP, c'est parti pour la dernière ligne droite avec Léna dans les studios qui va nous parler relax, réflexe, puisque c'est important d'avoir les bons relax, les bons réflexes. Et c'est parti, c'était cette miss charmante qui va venir vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Alors, le relax, réflexe du jour, je le cherche, il arrive, voilà. En fait, depuis quelques semaines, je vous parle de produits. D'huile essentielle, d'huile végétale et tout ça. Et donc aujourd'hui, je vais quand même vous dire où elle se trouve, parce que c'est important aussi. Donc les produits simples se trouvent en grande surface, normal. Pour l'argile ou le miel, vous préférez des magasins biologiques ou diététiques. Pour les huiles végétales, vous les trouverez dans les pharmacies, parapharmacies ou au rayon beauté des grandes surfaces. Les huiles essentielles, c'est en pharmacie, parapharmacie également. Et donc, voilà, il était court aujourd'hui, le réflexe. Merci. Donc on peut acheter tout ça en grande surface. Voilà, en pharmacie, pas à pharmacie. C'est génial. Le Sun Game pour gagner 48 huîtres. Également des places de cinéma. Également, c'est tout. Alors, une place de cinéma, 48 huîtres, c'est bien quand même. Hein. Commandez-vous plus, je ne sais pas. Tenez, c'est ça d'ailleurs, les bourriches d'huîtres. Kiffe les huîtres. Ouais. Le club VIP t'offre un max de fruits de mer. Sapristi, c'est vrai? Un peu que c'est vrai, champion. 48 huîtres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 huîtres. On joue au Sun Game. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Allez, si vous arrivez à découvrir tout simplement l'artiste qui se cache derrière la charade, et ben vous remportez tous ces cadeaux. On vous donne le numéro de la ligne aujourd'hui, il va falloir nous appeler sur une ligne téléphonique, donc on vous la donne juste après la charade. Donc mon premier est le contraire de non. Mmh. Mon deuxième est une zone de terre entourée de mer. Oui. Mon troisième est le copain de Wesson. De Wesson. Wesson. Voilà, c'est une marque de fusil de cow-boy célèbre. D'accord. Donc mon premier est le contraire de non, mon deuxième est une zone de terre entourée de mer, mon troisième est le copain de Wesson, mon tout est un artiste qui s'est illustré dans Le Prince de Blair. Si vous avez la bonne réponse, un acteur. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à nous appeler, c'est au 02 96 49 81 02. 02 96 49 81 02. Donc je répète une dernière fois, 02 96 49 81 02. Les appels les plus rapides gagneront donc une bourriche d'huîtres plus deux places de ciné. On vous dit au revoir. Ciao, bye bye. Ciao Léna. Salut, bisous tout le monde. Avec le club VIP, plonge dans l'été. On vous a plongé dans l'été, cher. A plus.